appelé fiston, t'apprendre le vélo et le foot. T'aimais plus que tout et même te servir poutre. J't'aurais appelé Sydney, Sydney Camara ça le fait. T'aurais été une star derrière les caméras de ciné. J'avais tellement de choses à te dire, tout et rien du délire. Le petit prince, le petit poussé, c'était des trucs à te lire. J'avais la vie à t'offrir, ma vie passée à souffrir. T'aurais servi ta vie pour que tu puisses t'en sortir. Putain, j't'ai fait partir comme un vulgaire salaud. J't'ai fait sortir par la petite porte sans t'avoir fait de cadeau. Tous les jours j'croise ton regard, j'porte le fardeau. J'croise des gosses gaillards courir derrière des vélos. J't'ai pas porté mais j'porte avec moi le cauchemar. J'pensais pas être si faible devant le miroir. Faut me croire, ta mère je l'aimais pas. De faire je l'ai pas fait exprès. En plus pour t'expédier c'est même pas moi qui ai payé. Pardonne-moi fiston, bénis ton père ce sale con. Qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la mêle dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis-moi fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la mêle dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Ex-futur père exemplaire pour certains criminels. Je fais la cible de commando, trop de remords dans le cerveau. Pour certains raisonnables, j'ai fait le bon choix. Je lui ai dit de le faire car ma vie ne faisait pas le poids. Que réétudie d'un père un survêt, plein de shit dans les chaussettes. Malhonnête qui gagne sa vie avec son bis à serpette. Que réétudie d'un père qui se bat quand on le trique de boîte. Qui boit et se soigne avec un pote et un pal. J'ai même pas le permis, j'ai un casier bien rempli. J'ai passé ma vie à faire le con mais aujourd'hui j'ai compris. Être un homme c'est pas les taches de sang sur son blouson. Ni une réputation faite sur les putes et les bastons. Pardonne-moi fiston, bénis ton père ce sale con. Qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis ton père ce sale con. Qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis-moi fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. En plus tu sais, j'aurais plaqué ta mère un soir après 5-6 bières. Je voulais pas l'épouser, juste épater quelques frères. Quand on est jeune et fou, on tire son coup pour faire l'expert. Mais en aucun cas l'excès, fais de toi un bon père. Je l'aurais plaqué puis quoi, que t'élèves dans un foyer. Arrivé 19h juste à temps pour te percer. T'aurais connu la dèche, les flinches, les tickets ciné. L'espoir chaque soir de vouloir m'assassiner. T'aurais ce style de père que même l'enfer bannit. Raidement retroqué quand t'aurais voulu faire ta vie. J'aurais fait une mère seule aux 12 mercenaires en amour. Je regrette le geste chaque seconde de 7 jours. Pardonne-moi fiston, bénis ton père ce sale con. Qui pensait pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis-moi fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi. Pardonne-moi fiston, bénis-moi fiston. Je pensais pas pouvoir t'aimer sans t'avoir donné de nom. Donne-moi la main dans mes rêves. Une dernière fois, 9 mois pour être un homme, c'était trop pour moi.